BR Métal et ses quatre divisions. Mobilier public, BR Industrie, Aluco, BR Peinture Industrielle. Désire souhaiter un joyeux Noël et une bonne année à toute la population. Le groupe BR Métal est un employeur important dans le milieu, puisqu'il génère presque 40 emplois et ne cesse de grandir. Le groupe BR Métal est situé au 353 Gustave Dessureau, au numéro de téléphone 418. On va parler du tournoi Bantam et d'autres activités également avec le président du hockey mineur, David Lamontagne. On rappelle que cette chronique est une commandite de BR Métal. Donc, c'est la chronique du hockey mineur Lac-Saint-Jean-Nord. Salut David. Salut Danny. David, évidemment, c'est la quoi? La 52, 53e édition, 54e? Ça va être tellement vite dans la vie, là. Je sais pas juste c'est la combien tiens le tournoi Bantam. Je sais que l'année passée, c'est le 50e du tournoi Atom Pee-Wee. Mais le tournoi Bantam, j'ai pas le nombre exact. Là, de la, OK. Mais il me semble que ça a au moins 53, 54 ans. Facilement. On va parler maintenant, donc, c'est sous la présidence d'honneur de Dave Doucette. Il y a combien d'équipes? Il y a 7 équipes dans le Bantam A, 6 équipes dans le Bantam B. Donc, ça fait 13 équipes. Autrefois, j'avais parlé d'une douzaine d'équipes. Je pense qu'il y a une équipe qui s'est rajoutée. Comme je t'avais parlé aussi, il n'y a pas de catégorie Bantam 2B, vu que notre hockey mineur n'avait pas de Bantam 2B, c'était plus difficile de tirer les équipes aussi dans cette catégorie-là. excusez. C'est ça, 13 équipes. Je sais que les équipes locales, pour les équipes locales, je pense que ça commence jeudi soir. Jeudi soir, le Bantam B joue contre les Bulldogs de Saint-Félicien, ça commence à la ronde de Mistassini. OK. Est-ce qu'il y a, donc, il n'y aura pas de match à Delbeau, là? Oui, je pense qu'il y a quelques matchs à Delbeau. Je n'ai pas les heures exactes, là. Je pense que il y a des heures là, le vendredi matin puis le samedi matin. Je pense qu'il y a des heures pour quelques matchs. Là. OK. Puis c'est concentré à la ronde de Mistassini. Ça commence. Il y a un match avant le jeudi soir, mais vendredi matin, ça commence à 9h40. Jusqu'en soirée, les équipes, je sais que vendredi soir, les deux équipes locales sont en action là, à 6h et à 19h20. Fait que si le monde veut aller à l'aréna, voir nos deux équipes locales, voir les autres équipes, je les invite à y aller. Il devrait y avoir quand même beaucoup de monde. Normalement, le vendredi soir, le match d'ouverture, tout, il y a quand même assez de monde dans l'aréna, puis il y a beaucoup d'ambiance. OK. Donc, on va surveiller ça de très, très près. Autre chose à mentionner aussi? Oui, ben c'est moi, je peux mentionner le début des saisons dans le novice. Oui. Les équipes ont été faites en fin de semaine passée. Le novice commence en fin de semaine. Dans l'aréna normandin, si les gens veulent aller voir ça, de 11h à 15h, il y a des matchs novices en continu, là, demi-glace, si vous voulez voir c'est quoi le demi-glace. Ouais. Ça donne des bons résultats. Hein. J'écoutais quelqu'un au 91.9 cette semaine, un espèce de recherchiste qui parle du hockey mineur, puis qui disait que ça donne de bons résultats. Hein. Ben moi, j'ai hâte de voir des matchs aussi. J'ai hâte de voir, tu sais, on a vu le pré-novice jouer demi-glace, mais des matchs novice demi-glace, j'en ai pas vu en vrai. J'ai hâte de voir ça, puis voir aussi comment les jeunes trouvent ça, comment les parents trouvent ça. J'ai hâte d'avoir le résultat, mais de ce qu'on sait jusqu'à maintenant, ben c'est quand même positif. Là. OK. Autre chose à mentionner peut-être aussi? Bon, c'est pas mal ben, du côté du Pee-Wee puis de la Tôme. Puis oui, à Tôme, les saisons se continuent pour la simple lettre. Ouais. Les équipes se préparent pour le tournoi. On a le tournoi pas en fin de semaine. Autrement dit, le tournoi suit le tournoi Bantam. Ouais. À Tôme et Pee-Wee. Je sais que les deux équipes, Pee-Wee et Atom 2B, ont fait le match d'ouverture en fin de semaine passée. C'était des défaites, mais des défaites quand même. Je sais que l'Atom ont perdu 5-4, je pense. Contre Saint-Félicien, puis ensuite le Pee-Wee 2B a quand même fait de belle figure contre les Sags 3, je pense. Ouais. Fait que on a perdu 7-4. C'est quand même pas si mal. Okay. Puis pour le Midget 2B, c'est en fin de semaine prochaine. Sont à un tournoi de Saint-Anselme, un premier tournoi. C'est un beau tournoi. Un beau tournoi. Je pense que l'équipe il va depuis 2-3 ans. Là. C'est le tournoi qui est choisi à chaque année. OK. On s'en reparle mercredi ou jeudi prochain. Parfait, merci beaucoup, Danny. C'est la chronique du Hockey Mineur avec David Lamontagne.